vous tous, merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 25 mai 2022, voici les grands titres de cette édition. Les amateurs de la chair bovine doivent être prudents et ne pas consommer le lait et la viande provenant des vaches actuellement infectées par la fièvre. Des spécialistes en santé animale s'activent pour trouver un vaccin contre cette maladie pour laquelle on n'a pas de médicaments pour l'instant. Un montant avoisine à 300 millions de francs burundais, c'est la valeur des matériels de la régie des eaux volées en date du 12 mai dernier et qui ont été retrouvés au marché de l'Ovumera en zone Buyenzi. Le directeur général de la régie des eaux a donné d'amples précisions dans une conférence de presse qu'il a tenue ce matin. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités parcem a lancé ce mercredi le programme Notre argent, notre droit. Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, trouve que le Burundi reste derrière en ce qui concerne la transparence du budget. Et dans la chronique sur les messages de haine, un socio-anthropologue nous expliquera comment le discours catégorisant les victimes de violences, de masse et de tendances politiques divisionnistes. Voilà pour le sommaire. Isanganiro. Oh bonjour, je viens de vous le dire, le ministère en charge de l'élevage déconseille à la population à consommer le lait et la viande provenant des vaches actuellement infectées par la fièvre. Contacté par nos confrères de la Radio Nationale, le ministre Deogui de Rurema a indiqué que des spécialistes en la matière s'occupent de cette maladie qui n'a pas de médicaments pour le moment, mais qui nécessite un vaccin. En attendant, les consommateurs de ces produits sont appelés à plus de précautions en attendant les résultats des tests en cours. Les cadres qui sont spécialisés dans ce domaine de la santé animale ont fait des prélèvements puissants sur ces animaux et on a trouvé qu'il y a une maladie qui s'appelle la fièvre de la vallée du Rift. La première des choses, c'est de prendre des mesures préventives. Vous le savez, qu'il est déconseillé de consommer les viandes, les animaux malades ou les animaux morts. Ce n'est pas du tout conseillé de consommer quoi que ce soit la viande ou que ce soit le lait. Mais pour la viande, c'est beaucoup plus pour prévenir la contamination rapide entre l'animal et l'homme. Donc, on va laisser le soin des spécialistes qui vont nous donner des informations et des précisions. Sinon, on risque de faire des spéculations ou avoir des informations qui ne sont pas approuvées. Cette maladie n'a pas, je dirais, de médicaments. Nous traitons des signes, des symptômes, mais ce qui est bien, c'est qu'il existe bel et bien un vaccin contre la fièvre de la vallée et du Rift. Le ministre en charge de l'élevage, Deogui de Rurema. Des peines d'une année de trois ans de servitude pénale et une amende de 250 à 300 000 francs burundais. C'est la condamnation du tribunal de grande instance d'Ngozi à l'endroit de 16 personnes arrêtées samedi en possession de 560 kg de café qui allait être vendu au Rwanda. Quatre mineurs écopent d'une année d'emprisonnement. 11 autres hommes, 2 ans et 6 mois de prison et une amende de 250 000 francs burundais chacun. Et le 16e qui a semblé nier les accusations est condamné à 3 ans de servitude pénale et 300 000 francs burundais d'amende. Tous sont accusés d'atteinte à l'économie nationale. Et le tribunal de grande instance de Cibitoke a condamné ce mardi après-midi Saint-Valentin Harumukiza, âgé de 18 ans, à 5 ans de servitude pénale et d'une somme d'1 million de francs burundais de dédommagement à l'endroit de la victime. Il est accusé de viol sur une mineure de 4 ans. Les faits se sont déroulés sur la colline Gichacha de la zone et commune Rugombo en province Cibitoke en date du 18 mai. La sentence a été largement saluée par la population et surtout la famille de la victime présente à l'audience publique. Le président du siège a exhorté la population à toujours dénoncer les cas de viol dans la communauté au lieu de les couvrir ou de recourir à des règlements à l'amiable, ce qui favorise par ailleurs l'impunité. Je vous le disais dans les titres, un montant avoisinant 300 millions de francs burundais, c'est la valeur des matériels de la régie des eaux volées en date du 12 mai dernier qui ont été retrouvés au marché de Ruvumera de la zone Buyenzi. Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux, a signalé dans une conférence de presse tenue ce mercredi que c'est une grande perte pour l'entreprise et tout le pays. Il appelle la population à donner sa contribution en veillant à ces infrastructures. Suivez-le. Dans les magasins et stocks d'un certain dénommé Kalenzo, Gervais et son associé Ndereyahaga Edouard au quartier Buyenzi. Au terme de la fouille et perquisition des 10 magasins et stocks, force a été de constater qu'effectivement une grande quantité de matériel et équipement ou électricité de plusieurs sortes s'y trouvaient. Une commission en charge de faire l'inventaire et de déterminer le coût du matériel volé a été vite mise en place pour déterminer la valeur réelle du matériel et équipement saisi. Après l'inventaire et avoir déterminé la valeur de matériel volé, il a été constaté que le matériel et équipement saisi avaient une valeur d'un montant de 277 496 973 francs burundais, à peu près 300 millions. Envie de mener une enquête approfondie sur les auteurs et complices liés à ce vol, au fait de les punir conformément à la loi. La résidence des zones ne peut pas agir seule et sollicite le renforcement de la trilogie administration, population et force de l'ordre. C'est à ce prix qu'elle pourra démanteler ce réseau de malfaiteurs. La régie des zones invite par la même occasion l'administration à mieux encadrer la population pour qu'elle veille à ces infrastructures qui demandent beaucoup d'efforts pour les remises en place. Isanganiro, la radio de l'avenir. La transparence budgétaire comprend 8 étapes, dont la révision budgétaire et la présentation des rapports trimestriels. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM, qui le dit, estime que ces étapes ne sont plus suivies lors du lancement du programme Notre argent, notre droit ce mercredi. Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, a trouvé que le Burundi reste derrière en ce qui concerne la transparence du budget. Selon lui, le développement du pays est difficile s'il y a toujours de l'opacité dans la gestion du budget de l'État. On l'écoute. Le souhait du président de la République d'application généralisée du système du budget programme soit une réalité. On ne peut jamais développer un pays avec un système d'opacité budgétaire. C'est extrêmement impossible. On doit s'ouvrir à la transparence. Donc le président a souhaité combattre cet enrichissement illicite où l'argent du contribuable en finalité finit par enrichir les poches des gens. Ce processus de transparence budgétaire est centré sur 8 documents clés. Il y a un rapport préalable au budget pour une éventuelle discussion en profondeur des programmes. Dès le projet de budget de l'exécutif, il y a des informations standards. Il y a le budget approuvé après discussion au Parlement et au public. Il y a le budget citoyen, quatrième, une forme simplifiée du budget compréhensible, les rapports trimestriels. Sixième, la révision budgétaire. Ce sont des étapes maintenant qui n'existent plus, la révision budgétaire. On ne peut pas dire qu'on arrime le budget, les dépenses au programme sans révision budgétaire en milliers d'années. Il y a un rapport de fin d'année et un rapport d'audit. Le rapport préalable au budget devait être produit à partir du mois de mars pour permettre aux gens de discuter sur les priorités, les programmes, les projections fiscales, les informations nécessaires. Il y a des crédits cachés, on ne sait pas. Il faut que ça soit transparent. Pourquoi tel ministère aille plus d'argent que l'autre? Est-ce que ça reflète la réalité du pays, les intérêts citoyens, les priorités réelles? C'est ça la discussion. Même le Parlement est associé. Le projet de budget présenté au Conseil des ministres devait être publié depuis le mois d'avril pour voir la réalité du budget. Qu'est-ce qui est des informations? Mais sur les standards internationaux, il y a des pays même qui sont en avance. Maintenant, le Burundi est à une note très basse, même dans la sous-région en matière de transparence budgétaire. Il faut que la discussion soit une discussion profonde sur le budget, sur les programmes. Chaque ministère, ça ne doit pas être l'affaire du ministre des Finances seulement. Si on veut que le souhait du président soit une réalité, j'imagine qu'on va avec cette trajectoire. C'est le fondement même de la gouvernance démocratique. Quand les citoyens sont associés dans la gestion de la chose publique, surtout en renforçant ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités, PARSEM en sigle. La mesure liée à la limitation du nombre d'enfants par famille ne devrait pas être prise pour réduire le rythme de la croissance de la population. Certains intervenants dans un atelier de consultation des parties prenantes à la base sur la politique nationale de population pour les provinces du Sud à Makamba sont pour la mobilisation visant à convaincre systématiquement la population. Et selon le gouverneur de la province Makamba, cette sensibilisation se focaliserait sur les hommes, car ces derniers constituent l'élément moteur au sujet de la croissance démographique. Correspondance d'Élise Cuisère. À la différence de ce qui propose qu'il y ait la mesure fixant le nombre d'enfants par famille dans la politique nationale de population, les autres sont pour la mobilisation sociale visant à convaincre systématiquement la population. L'assistant du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Gervais Baramanze, explique qu'il faut privilégier la mobilisation dans cette politique au lieu de la loi, car cette dernière va de pair avec les sanctions. Les uns des autres, y compris le gouverneur de la province Makamba, épouse cette idée. Selon Françoise Ngozirazana, gouverneure de la province Makamba, cette mobilisation se focaliserait surtout sur les hommes car ils constituent l'obstacle dans cette politique et peuvent même donner beaucoup de naissances par jour au moment où les femmes n'engendrent qu'un enfant pendant les 9 mois. Cela a été dit dans un atelier de consultation sur les parties prenantes à la base pour les provinces d'ici Makamba afin d'enrichir cette politique nationale de population. Élise Cuisère depuis Makamba pour la radio Isanganiro. Merci Élise Cuisère. On revient sur la rubrique économie pour vous dire que les dettes intérieures et extérieures de l'État avec des charges financières relatives qui s'accumulent d'année en année inquiètent les députés. Lors de l'analyse du projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire ce lundi, le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique qu'il a présenté a rassuré les députés que le gouvernement rembourse quand c'est possible et que la politique de la dette est en cours d'élaboration. Audrey Akimala. C'était au palais des congrès de l'Assemblée nationale où les députés analysaient le projet de loi portant règlement et compte-rendu budgétaire pour l'exercice 2020-2021. Les élus du peuple ont soulevé des inquiétudes sur l'évolution des dettes, tant intérieures qu'extérieures, avec des charges financières qui s'accumulent d'année en année. Sur la question de l'endettement, où vous expliquez l'évolution de l'endettement, j'ai une question. Nous voyons que vous avez contracté des dettes pour le budget de fonctionnement de l'État plutôt que pour l'investissement. Sur ces questions, le ministre Domitien Diokougayo répond que la politique de la dette en cours d'élaboration serait orientée vers l'investissement au lieu du fonctionnement. Sur la question de l'endettement, il dit que nous avons contracté des dettes pour le budget de fonctionnement. C'est le problème que nous avons connu. Je signale que depuis 2015, aucun soutien n'est venu comme appui budgétaire dans le budget de l'État. C'est une raison de nous féliciter car nous arrivons jusqu'ici. Et nous avons continué les activités sans l'aide budgétaire extérieure. C'est un honneur pour les Burundais. Je pense que sur les dettes de fonctionnement, nous sommes sur la voie de sortie à ce stade. Avec le budget programme, on insistera sur l'endettement, sur l'investissement au lieu du fonctionnement. Vous allez le constater dans la prochaine loi budgétaire. L'investissement sera renforcé par rapport à la situation que nous avons. Ce sont des stratégies qui sont en train d'être réalisées pour que l'investissement revienne à payer la dette. Dans le rapport de la Commission permanente des comptes publics et des finances, des affaires économiques et de la planification à l'Assemblée nationale, la dette intérieure a passé de plus de 1500 milliards en 2019-2020 à plus de 1600 milliards en 2020-2021 et la dette extérieure a passé de 814 milliards en 2019-2020 à 885 milliards de francs-bourg en 2020-2021. Et les victimes de violences sexuelles basées sur le genre souffrent à des stigmatisations. Celles qui ont subi ces violences dans la province de Kayanza disent être malmenées au niveau de leur famille et dans l'entourage. Béatrice Barandereka, chargée de l'approche psychosociale au centre Seruka, appelle les familles de victimes à les comprendre et surtout à les intégrer socialement. Omer Douayou. Les victimes de ces violences sont traumatisées par la stigmatisation qu'elles rencontrent dans leur famille, alors que c'est là où elles attendaient du réconfort. Léoncin Chimirimana, représentante légale de l'association Murekerisoni, qui prend en charge ces victimes en province de Kayanza, affirme que les victimes des violences sexuelles basées sur le genre sont souvent stigmatisées. Elles sont parfois stigmatisées à leur colline. Elles sont malmenées à l'école et dans leur famille respectives à cause des cas de viol qu'elles ont subis. Les causes du manque d'accompagnement et du réconfort des victimes de violences sexuelles basées sur le genre dans leur famille sont variées. Son père, à qui sa fille d'avoir quitté le toit familial, sans avertir. Il pense que c'était prémédité. Nous avons mal accueilli cette information. Nous sommes même plus en bon terme. Il allait prendre ses documents scolaires, mais il ne m'avait pas informé de son départ. C'est pourquoi le climat a changé. Quand il y a une mésentente au sein de la famille, la victime des violences prend sa propre décision selon ses propres souhaits. Cette fille de 18 ans, victime de ces violences il y a juste un mois, juge qu'il vaut mieux se marier avec son agresseur plutôt qu'à être stigmatisée dans sa propre famille. Je suis malmenée chez nous. Même si je commets une moindre erreur, on ne me tolère pas. Je suis prête à me marier avec lui. Lorsque les victimes des violences sexuelles basées sur le genre sont stigmatisées, ça leur pousse au désespoir. Béatrice Barandereka, chargée de l'approche psychosociale au sein du centre Seruka, lance un appel à tout le monde de prendre soin des victimes. Si la victime est marginalisée au niveau de famille, au niveau des communautés, c'est une blessure psychologique. La victime ne se sent pas très bien. C'est une figure. Il faut que la communauté comprenne que les victimes n'ont pas choisi d'être victimes, premièrement. Donc, ce sont des personnes blessées qu'il faut comprendre, qu'il faut aider pour leur bien-être et le bien-être aussi de toute la famille, de la communauté et aussi pour un développement durable de la communauté, du pays aussi. Cette psychologue trouve que prendre soin des victimes de violences sexuelles basées sur le genre éloigne les victimes du désespoir. Et dans le reste de l'actualité, en bref, avant la chronique sur les messages de haine, c'est un offre de soulagement pour les propriétaires de véhicules assurant le transport des biens des personnes dans la région sud du Burundi. C'est après la décentralisation du service chargé de délivrer les autorisations de transport, car ce document est aujourd'hui délivré à l'agence de l'Otraco de Bururi, alors qu'avant, ils étaient obligés d'aller à Bujumbura ou à Gitega, où ils enregistraient des dépenses énormes. Toutefois, ces transporteurs déplorent le fait qu'ils sont servis par une seule personne affectée à ce service et demandent l'augmentation de l'effectif du personnel. Et en international, une fusillade dans une école primaire du Texas aux États-Unis, ce mardi 24 mai, a fait au moins 21 morts, dont 19 enfants et 2 adultes. Plus d'une douzaine d'élèves sont encore hospitalisés. Le tireur présumé, identifié comme Salvador Ramos, est lui aussi décédé dans cette tuerie qui a touché la commune située à environ 130 km à l'ouest de San Antonio. Il aurait d'abord tiré sur sa grand-mère avant de se rendre à l'école et d'abandonner sa voiture. Cette attaque constitue l'une des pires dans une école depuis des années. La police étudie le passif du jeune homme et ses traces numériques pour trouver son motif qui reste pour l'instant un mystère. Parle, rassure-moi. Le discours catégorisant les victimes de violences de masse est un discours visant à montrer qu'il y a un groupe qui a subi beaucoup de violences par rapport aux autres. Blaise Izerimana, socio-anthropologue, indique que cela est d'une tendance politique divisionniste, ce qui pourrait créer à la longue des tensions entre deux groupes antagonistes. Ornella Mucho. La catégorisation des victimes de violences de masse se passe souvent dans les sociétés post-conflit. Blaise Zellman, socio-anthropologue, indique que ceux qui lancent ces messages sont souvent des politiciens qui tiennent des discours à des fins politiques. L'intention qui se cache derrière ces discours est généralement d'ordre politique. Ce qui prononce ces discours essaie de culpabiliser d'autres leaders politiques pour qu'il ne soit pas élu par la population. À la longue, ça pousse à la violence, selon toujours ce socio-anthropologue. On peut observer des conséquences dans le présent, comme dans l'avenir. Dans le présent, parce que ça a été l'initiative, ou bien l'effort qui était en train d'être fourni en essayant de se reconstruire. Parce qu'ils disent, déjà nous sommes soutenus par les dirigeants. Donc même l'autorité, ça, c'est bien sûr que nous avons beaucoup souffert, ce qui peut faire naître l'esprit de vengeance. Dans l'avenir aussi, parce qu'il y a des enfants qui vont grandir en sachant qu'ils sont coupables, ce qui peut avoir des effets négatifs aussi. Il y a d'autres qui vont se sentir victimes et qui vont grandir comme ça et puis vont essayer de se venger dans l'avenir lorsqu'ils auront des places ou bien des occasions de se venger. Dans une société post-conflit, les politiciens devraient plutôt utiliser un discours rassembleur plutôt qu'un discours divisionniste. La bonne communication qu'il faut faire, c'est que Il faut plutôt un discours réconciliant, un discours qui reconnaît le droit que chaque groupe a commis par rapport à un discours qui essaie de catégoriser les offenses qui ont été vécues. Ce socio-anthropologue interpelle les autorités à prendre le devant pour limiter la propagation de ce discours de haine à caractère divisionniste, surtout dans une société post-conflit. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bibonimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi.